Je suis la femme de Jean Guillaume qui est mort le nuit chez lui. Il est mort 4 semaines avant que le mal ne le prenne. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. Il est mort 4 semaines avant que le mal le prenne. Je m'en allais donc à Paris pour tracher le puce et le méchant. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. Je m'en allais donc à Paris pour tracher le plus célèbre médecin. En arrivant sur le haut de la lande, j'entendis sous une poêle. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. En arrivant sur le haut de la lande, j'entendis sous une poêle. Quand je revins à la maison, je le trouvis mort et enseveli. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. En arrivant à la maison, je le trouvis mort et enseveli. Dans 13 ans de ma belle telle, t'y que je tenais bien mieux qu'un lit. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. Dans 13 ans de ma belle telle, à t'y que je tenais bien mieux qu'un lit. J'attrapis mes grands cisiers, et point à point, je le décousis. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. J'attrapis mes grands cisiers, et point à point, je le décousis. En arrivant près de sa goulette, j'avais pour qu'il me mordit. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. En arrivant près de sa goulette, j'avais pour qu'il me mordit. L'oreille, je le prends par l'oreille, et dans le gardin, je l'ai conduit. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. Je l'attrapis par l'oreille, et puis dans le gardin, je l'ai conduit. Toutes les pilles et les connelles ont venu chanter le déprofondis. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean. Toutes les pilles et les connelles ont venu chanter le déprofondis. Et jusqu'à la vieule va venir qui vint prier le bon Dieu pour lui. Ah, je l'aimais tant, ah, je l'aimais tant, je suis pour Jean.